Avec le triomphe dans les salles de Black Panther, le grand public européen s'est familiarisé avec un terme auquel le film a été rattaché, l'afro-futurisme, un mouvement artistique global formalisé dans les années 90, mais qui remonte bien plus loin jusqu'aux années 50 et à la lutte pour les droits civiques, une conception culturelle d'une Afrique qui n'aurait pas été spoliée, exploitée, esclavagisée, d'une Afrique qui renoue les liens entre tribalisme, technologie du futur, mythologie traditionnelle et science-fiction, d'un substrat culturel qui ne serait pas tout le temps tourné vers le passé, mais qui enfin s'épanouirait vers l'avenir. Afrique, retour vers le futur, c'est le thème que nous avons embrassé dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer les racines de cet afrofuturisme, nous avons l'immense privilège d'accueillir dans les studios de France Culture Nnedi Okorafor. Bonjour, hello. Hello. Vous êtes auteur de « Qui a peur de la mort ?», réédité aux éditions ActuSF. Mais avant de plonger dans les racines futures de cette Afrique, nous resterons encore quelques minutes au présent pour décortiquer, comme chaque semaine, l'actualité des sciences et de la recherche avec Zoé Sfès pour le Journal des Sciences. Bonjour Zoé. Le Journal des Sciences. Et l'on ouvre avec ces résultats étonnants parus dans Annals of Oncology cette semaine. Une équipe de chercheurs allemands, français et américains a conçu un algorithme d'intelligence artificielle pour dépister le mélanome. Et cette intelligence artificielle s'est révélée plus performante qu'une équipe de dermatologues. La détection précoce du mélanome est l'un des cancers de la peau les plus agressifs. Et je le rappelle, un enjeu de santé publique, puisque dans les premiers stades, il ressemble à s'y méprendre à un névus, c'est-à-dire à un simple grain de beauté. Et chaque année, 232 000 cas de mélanome malins sont déclarés, 55 000 personnes en meurent. L'année dernière, déjà, une équipe américaine avait mis en valeur la pertinence des systèmes d'intelligence artificielle dits de deep learning dans ce diagnostic et avait publié des travaux intéressants dans la revue Nature. L'équipe internationale qui publie cette semaine va plus loin et démontre que dans le contexte de l'expérience telle qu'ils l'ont menée, eh bien, cette intelligence artificielle est même plus pertinente, plus forte pour diagnostiquer le mélanome malin qu'une équipe de dermatologues. Elle fait mieux avec 95% de mélanome détecté à partir d'une première série de photos contre 87 pour les dermatologues. Explication du professeur Luc Thomas. Il est professeur au CHU de Lyon et chercheur au Centre de recherche sur le cancer. Toujours à Lyon, c'est l'un des co-auteurs de cet article. Il s'agit d'un système d'intelligence artificielle de deep learning avec des technologies de réseaux neuronaux. Et dans une phase d'apprentissage, la machine a ingurgité un très grand nombre d'images de dermoscopie, et c'est important de le noter. Ce ne sont pas des photographies standards, ce sont des photographies dermoscopiques, c'est-à-dire avec la technique optique qui permet de voir les choses en plus gros, sans reflet de la couche cornée de l'épiderme. Et la machine a appris sur un dataset très important. Et c'est ce qui explique d'ailleurs le grand nombre de collaborateurs internationaux. Une fois la machine ayant appris, c'est passé la phase dite de test. Et là, on a utilisé des nouveaux cas, ceux évidemment qui n'avaient pas été utilisés pour l'apprentissage. Et ces nouveaux cas ont été montrés soit à la machine, soit à un groupe de dermatologistes experts en dermoscopie. Et effectivement, on constate un léger avantage en faveur de la machine. En France, mais également dans beaucoup de pays, le nombre de dermatologistes diminue et il est difficile de faire face à l'ensemble des demandes de soins. Donc on peut penser que l'usage de machines permettrait à d'autres acteurs de la santé, ça peut être évidemment des médecins généralistes, des médecins du travail, d'assurer une partie du dépistage des cancers de la peau avec l'aide de cette machine, mais avec un clinicien derrière tout de même pour en interpréter les résultats et prendre la décision finale, eh bien on pourra probablement éviter des chirurgies inutiles et donc des cicatrices inutiles sur la peau de nos patients et à l'inverse faire des diagnostics plus précoces du mélanome qui reste malgré tout le problème de santé publique le plus important dans la discipline de dermatologie. Et en bref, la biochimiste Emmanuelle Charpentier et la généticienne Christine Petit figurent parmi les 7 scientifiques récompensés par le prestigieux prix Kevli de l'Académie des sciences et des lettres de Norvège, remis tous les 2 ans. Emmanuelle Charpentier décroche son prix dans la catégorie des nanosciences pour la mise au point des désormais fameux ciseaux moléculaires CRISPR. Et enfin Christine Petit, qui a opéré à l'Institut Pasteur des percées très importantes dans la compréhension des mécanismes moléculaires et neuronaux de l'audition, est récompensée dans la catégorie des neurosciences. En bref, toujours au Pérou, des géoglyphes, ces fameux dessins tracés à flanc de colline, ont été découverts par des drones. Ils représentent un orque, une danseuse et un singe. Ces géoglyphes ont été découverts à Palpa et le plus long est de 70 mètres. Il s'agit donc toujours de ces dessins tracés à même le sol par entassement de pierres qui peuvent être creusées dans la terre. Motif mystérieux qui serait l'œuvre des membres de la civilisation Paracas. Ils ont vraisemblablement plus de 2000 ans. Ils sont donc plus anciens de plusieurs siècles que les célèbres lignes de Nazca. Ligne de Nazca qui avait été découverte en 1926, et évidemment tout cela relance le débat sur leur réalisation. Deuxième sujet cette semaine, la ministre de la Santé Agnès Buzyn a annoncé en fin de semaine dernière le déremboursement de 4 médicaments utilisés pour traiter les symptômes de la maladie d'Alzheimer. Eh bien, on le sait aujourd'hui, ce déremboursement aura lieu, il sera effectif à partir du 1er août et ce après un avis rendu par la Haute Autorité de Santé. La Haute Autorité de Santé qui juge ces 4 médicaments, à l'instar de plusieurs neurologues, plus nocifs pour les patients que bénéfiques. Ils n'étaient d'ailleurs par ailleurs remboursés qu'à hauteur de 15%. Tout l'argent qui va être économisé sera intégralement réorienté vers l'accompagnement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, soit pour les centres de mémoire, soit pour le secteur médico-social qui les prend en charge, a indiqué la ministre. Et ce, alors que les protestations sont nombreuses de la part de plusieurs institutions. La Fédération des centres de mémoire, la Fédération française de neurologie, la Société française de neurologie, la Société francophone de psychogériatrie. Olivier de la Doucette est le président, lui, de la Fondation pour la recherche sur Alzheimer. Il s'est lui aussi prononcé contre cette fin du déremboursement de ces 4 médicaments. Et comme la majorité de ses collègues qui travaillent en étroite proximité avec les malades, dit-il, ces médicaments sont intéressants, même si tout le monde connaît leurs limites. Les limites de ces molécules sont évidemment au niveau 1 des effets secondaires, 2 du coût, et 3, on va dire, de l'efficacité modérée. Les effets secondaires principaux, c'est essentiellement avec les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase. Ils ont tendance à freiner le rythme cardiaque pour certains et puis également modifier la conduction cardiaque. Donc, il est évident, dès lors qu'on introduit ces médicaments, qu'il faut au préalable faire un bilan cardiovasculaire. Ensuite, vous pouvez avoir d'autres problèmes au niveau de la confusion, sur le plan digestif, mais comme beaucoup d'autres médicaments. Après, il peut y avoir des problèmes de tolérance. Au début, il n'est pas rare que ces produits induisent des nausées importantes, avec des vomissements. Nous savons ces produits ont une efficacité limitée. Nous savons que il faut les prescrire bon escient, qu'il y a des effets secondaires, il faut les maîtriser. Mais nous savons aussi que nous n'avons pas d'autres approches thérapeutiques à proposer à nos patients. Et quand vous êtes devant un malade qui a 65 ans et qui commence à avoir des gros troubles cognitifs, voire une personne un peu plus âgée qui n'est pas en mauvaise santé, il est difficile de lui dire « circulez madame, revenez dans 6 mois », car ces produits sont quand même intéressants. Il arrive que chez certains patients, lorsqu'on est amené à arrêter le médicament, on voit dans le mois qui suit un déclin rapide, ce qui prouve après coup l'intérêt de ces molécules. Et le problème en déremboursant ces médicaments, c'est que ceux qui peuvent se payer le produit vont continuer à le prendre et ceux qui seront en difficulté financière vont être plus dans la possibilité de suivre un traitement qui peut avoir un intérêt pour eux. Et en bref, selon une étude publiée par l'American College of Cardiology menée par des chercheurs du St. Michael's Hospital et l'Université de Toronto du Canada, les suppléments de vitamines et de minéraux les plus couramment consommés n'offrent aucun bénéfice ni non plus aucun effet nocif sur la santé. Les suppléments de vitamine D, de calcium, de vitamine C, qui sont ceux qui sont les plus consommés, n'apportent donc aucun bénéfice, en particulier dans les maladies cardiovasculaires. Ça ne veut pas dire que certains suppléments ne sont pas nécessaires pour certaines personnes, rappellent les chercheurs, mais cette prise de compléments en vitamines et en minéraux en tant que mesure préventive ne semble pas fiable. L'étude révèle en revanche que l'acide folique et les vitamines B peuvent, elles, réduire les maladies cardiovasculaires et les accidents vasculaires cérébraux. En bref, toujours l'Allemagne devient le premier pays au monde à interdire le diesel, et ce après une décision de justice qui date de février et qui autorise les villes à mettre en place des restrictions en matière de diesel afin d'assainir l'air. Et c'est donc Hambourg qui est devenue hier jeudi la première ville allemande à interdire partiellement la circulation à certaines voitures diesel. Les plus vieux véhicules ne pourront plus emprunter deux tronçons de rue de 1600 mètres et de 580 mètres, présentés comme un moyen de tenir les objectifs climatiques de réduction des émissions de CO2. Le diesel reste subventionné néanmoins dans de nombreux pays européens. Le déclin des ventes de moteurs a néanmoins déjà commencé, avec entre 2015 et 2017 une part du diesel dans les ventes de voitures neuves en Allemagne qui est passée de 47% à 38%. Troisième dossier enfin dans ce journal des sciences, c'est une exception cette semaine. Des pesticides interdits depuis plus de 40 ans continuent d'empoisonner les oiseaux de l'Antarctique. Ces polluants organiques persistants qu'on appelle les POP, parmi lesquels on trouve le tristement célèbre DDT, considéré comme les contaminants les plus répandus et les plus nocifs pour l'environnement et la santé humaine, eh bien tous ces POP, ils ont été interdits dans les années 70 et pourtant leurs effets nocifs persistent, notamment dans les pôles où ces molécules de chaînes de carbone sont transportées par les courants atmosphériques et restent bien présentes, continuent de s'accumuler. Elles affectent 40 ans après certains oiseaux marins comme les squa, indique une étude réalisée en Terre Adélie et publiée cette semaine dans la revue Science of the Total Environment. Olivier Chastel est chercheur au CNRS et au Centre d'études biologiques de Chizé et c'est l'un des co-auteurs de cette étude. Alors on s'est intéressé aux squa parce que c'est un oiseau marin prédateur, il est en haute chaîne alimentaire. C'est un principe qui est important à retenir. Plus on est haut dans la chaîne alimentaire, plus on va accumuler des contaminants. Donc pour nous, c'était une espèce susceptible d'être fortement contaminée. Il faut savoir que les conditions là-bas sont vraiment très favorables à l'étude parce que les oiseaux font l'objet d'un suivi par bagage. On connaît tous les individus quasiment de la colonie. Ce qu'on montre, c'est que sur le long terme, lorsqu'on fait des prélèvements réguliers sur les mêmes individus et qu'on les suit sur la longueur, on voit que les animaux les plus contaminés par les pesticides organochlorés, en particulier un qui est le Mirex, qui était utilisé comme anti-fourmis aux États-Unis, anti-termites en Afrique du Sud, Australie, est très présent. Ce qu'on remarque aussi, c'est que les animaux les plus contaminés ont un succès de la reproduction plus faible. Quand on regarde le comportement territorial, c'est une espèce extrêmement territoriale qui défend avec beaucoup de vigueur son territoire, on s'aperçoit qu'en fait, les oiseaux les plus contaminés sont moins hargneux, moins territoriaux, probablement qu'ils sont moins à même de défendre leur nid. C'est important, ça veut dire que malgré des décennies de régulation, d'interdiction, ces molécules sont toujours présentes en Antarctique et présentent toujours une menace pour la faune. C'est aussi important de monitorer la présence de ces polluants sur le long terme, puis aussi parce que on détecte d'autres polluants qui sont émergents, des polluants dits poly et perfluorés. C'est ce qu'on trouve dans les poêles anti-adhésives, dans les emballages fast-food. Petite quantité pour l'instant, mais il est important de surveiller leur présence et leurs effets sur le long terme. Et dans notre rubrique Science Improbable, cette semaine, une nouvelle qui finalement n'en est pas une, mais qui rendra certainement très triste certains qui voulaient croire à cette théorie. De quelle théorie parle-t-on ? Eh bien celle selon lesquelles ce sont les pieuvres qui serait d'origine extraterrestre et qui aurait apporté la vie sur Terre. En effet, il y a quelques semaines, 33 chercheurs publient un article dans lequel ils expliquaient que l'explosion cambrienne, cette soudaine expansion de la vie survenue il y a 540 millions d'années, eh bien, serait le résultat d'une intervention extraterrestre. Plus précisément, ils proposaient l'idée que des virus étrangers se soient écrasés sur Terre dans un météore et aient infecté une population de calmars primitifs et les auraient fait évoluer en pieuvres. Une autre théorie suggère que les œufs de calmars ou de pieuvres fécondés auraient été carrément livrés sur la Terre par un météore, par des gens probablement qui nous volaient du bien. L'idée est essentiellement une réinterprétation de l'hypothèse de la panspermie, qui suggère que la vie sur Terre a été semée par de la poussière d'espace ou par les astéroïdes qui se sont écrasés sur Terre. Cette thèse a beaucoup enthousiasmé de nombreuses personnes. Néanmoins, Mac Carnal du Muséum d'Histoire Naturelle de l'Université d'Oxford a judicieusement rappelé à l'ordre tous ces braves gens dans une série de tweets cette semaine. Il rappelle que une grande partie de la spéculation de ces auteurs repose sur l'idée que la génétique des pieuvres et des autres membres de leur espèce serait mystérieuse et donc différente de celle et bien de toute autre forme de vie sur Terre. Il rappelle qu'en 2015, un article dans Nature rappelait que l'ADN des céphalopodes, puisque c'est leur nom scientifique, utilise les mêmes 4 nucléotides que toutes les autres formes de vie sur Terre. Et donc, si les pieuvres sont, disons, descendants d'une vie alien, il en va de même pour nous et pour tous les autres êtres vivants de la planète. Merci Zoé, à la semaine prochaine. La méthode scientifique. Nicolas Martin. Peut-être reconnaissez-vous les mélodies psychédéliques de Sun Ra, père du funk, qui a enregistré plus de 200 albums sur un terreau de mythologie égyptienne et de civilisations extraterrestres. Sun Ra, que l'on considère aujourd'hui comme l'un des pères du mouvement afro-futuriste, un mouvement qui embrasse autant la musique que la littérature, la bande dessinée, avec évidemment l'inévitable super-héros Black Panther, développé par Marvel en 1966. Et aujourd'hui, tout un courant littéraire, principalement afro-américain, qui va puiser à la fois dans le tribalisme, les mythologies et les cultures populaires africaines, ainsi que dans l'hypertechnologie et la science-fiction. Alors pour nous accompagner dans les racines de ce mouvement, nous allons partir d'un cas particulier passionnant, un grand et beau roman, Qui a peur de la mort, de Nnedi Okorafor, réédité chez ActuSF, traduit par Laurent Philibert Kaya. C'est Michel Zlotowski qui va assurer ici même votre traduction tout au long de cette heure. Alors vous connaissez la salmanie des journalistes à vouloir tout étiqueter, catégoriser. Qui a peur de la mort, eh bien c'est précisément un objet étrange, inclassifiable, on est certainement dans le futur, mais quel futur, de quel endroit, par rapport à quel temps, c'est à la fois magique et technologique. Comment est-ce que vous le définiriez vous-même, Nnedi Okorafor? Tout d'abord, comment définirais-je ce roman? Eh bien, je l'appelle Nnedi-esque, parce que c'est beaucoup de choses. C'est difficile de le mettre dans une catégorie parce que ça le réduirait. Il y a de la science-fiction, il y a du réalisme magique, il y a des aspects fantastiques, mystiques et de la littérature africaine aussi. Donc, c'est ce que c'est, voilà. C'est très difficile à catégoriser. C'est toutes ces choses-là et plus. C'est un mélange de tout cela, oui, peut-être. Oui, c'est un mélange de toutes ces choses-là. Et ma propre touche. Est-ce que vous pourriez nous en faire un rapide résumé? It's complicated. C'est compliqué, c'est pour ça que je n'ose pas le faire. How would I summarize who Comment résumer oh qui a peur de la mort? Oh là là. Who Fears Death is Qui a peur de la mort? C'est un roman qui se déroule dans une partie de l'Afrique à l'avenir, dans le futur, avec une jeune femme qui finalement devient une sorcière et se venge d'un homme très méchant. Vous pouvez nous dire un mot de cette personne? C'est difficile d'en parler parce que je voudrais éviter le divulgachage. C'est une histoire de vengeance, c'est aussi une histoire d'amour. C'est une histoire sur les femmes africaines dans l'avenir. Donc, c'est beaucoup de choses. Peut-être faut-il préciser que tout votre roman s'articule autour des rapports de domination et de combat entre deux tribus. Oui, je dirais que Qui a peur de la mort traite de deux groupes ethniques. Je ne dirais pas qu'ils sont en guerre. Il y a un génocide en cours. Il y en a un qui est en cours d'extermination et le personnage principal est le produit de cela. Elle est issue d'un viol et ce qui se produit d'après. Et à propos de ces deux ethnies qui sont en guerre et qui n'ont pas le même rapport, qui ont un rapport effectivement de domination l'une vis-à-vis de l'autre. Oui, c'est dans une époque où il y a deux groupes ethniques, l'un est en train de réduire l'autre en esclavage et on est arrivé à un moment où ces esclaves ne sont plus nécessaires et donc ils sont éradiqués. Et c'est vraiment lorsque l'histoire commence là et le personnage principal, elle finit par être pas simplement prise entre deux feux, mais elle est catalyseur pour un changement. C'est un roman intéressant également parce que c'est un roman éponyme au sens où Qui a peur de la mort, c'est le nom de votre héroïne. Yes, Oui, c'est un roman qui est titré d'après le nom du personnage principal, Oniwosongo, qui signifie « qui a peur de la mort » en langue Igbo. Et dans ce livre, c'est situé très loin à l'avenir, il s'agit d'une langue ancienne et oubliée. Et c'est le nom de notre personnage principal et ça a beaucoup de sens. Parlez-nous un peu de ce personnage. Comment vous l'avez créé? D'où il sort? Vous racontez que le tout premier chapitre du roman est lié intimement à votre histoire personnelle et à un drame personnel que vous avez vécu. Oui, le premier chapitre... Et vraiment quelque chose de très personnel. La façon dont j'ai écrit ce livre, je ne savais absolument pas ce que j'allais écrire quand je l'ai débuté. Mon père venait de mourir et j'ai eu ce moment extrêmement profond où quelque chose s'est produit pendant sa veillée mortuaire. Et c'est cette même nuit-là que je suis rentré à la maison et que j'ai écrit ce premier chapitre. Et au cours des années, Qui a peur de la mort, ça m'a pris 6 ans à écrire. Et ce chapitre a beaucoup voyagé. Et finalement, il est revenu tout à fait au début du livre. Et donc, ce chapitre d'ouverture, on pourrait dire que le chapitre d'ouverture est semi-autobiographique. Jusqu'à un certain point, et quand vous lirez le livre, vous saurez exactement où est ce point-là. Mais cette inspiration-là, pour ce qui se produit, ce qui se passe, provient effectivement de la mort de mon père. J'ai commencé à écrire ce livre en raison de la mort de mon père. Est-ce que ça veut dire que vous avez des pouvoirs magiques que vous nous cachez, Neddy Okorafor? Yes. Bah oui. We'll go with it. I'll own that. J'accepte, yes, oui. I do. I am a storyteller. Je suis une narratrice et les narrateurs ont un pouvoir mystique quand c'est bien fait. Parce que quand on peut écrire vraiment une bonne histoire, ça peut produire que le lecteur entre en transe, soit transporté ailleurs et devienne quelqu'un d'autre. De cette façon-là, oui, j'ai des pouvoirs mystiques. Vous expliquez, vous êtes originaire du Nigeria et vous expliquez d'ailleurs à ce propos que votre personnage, vous l'entendiez parler d'ailleurs avec sa propre voix, son propre accent, que c'était effectivement un peu ce pouvoir mystique que vous évoquez. Oh yes. Ça m'est arrivé un certain nombre de fois quand j'écrivais. Mais là, cette fois-ci, la voix était forte. Je pouvais l'entendre. Je pouvais entendre Oniwosongo qui me parlait et qui exigeait que je raconte son histoire. Et chaque fois que j'essayais de me reposer, elle me disait « Non, non, non, c'est pas le moment, c'est pas fini. » Et le format de l'histoire, parce que la façon dont l'histoire est racontée, c'est elle qui raconte son histoire dans sa propre voix. Et cette façon de raconter, c'est la façon dont elle m'a raconté l'histoire. Donc tout ça est très organique et naturel et étrange. C'est ce qui en fait le charme d'ailleurs. Une question, Neddy Okorafor, à propos de vos processus d'écriture. Vous l'avez dit, dans Qui a peur de la mort, il y a beaucoup d'éléments qui se mélangent. Il y a des éléments culturels qui relèvent d'ailleurs de, vous allez nous raconter, de certaines mascarades, par exemple, que vous avez puisées dans du folklore ethnique de différents pays d'Afrique. Il y a aussi de la technologie, de la modernité. Comment est-ce que tous ces niveaux-là s'enchassent? Comment est-ce que vous avez travaillé à les ajouter les uns aux autres? No plan. Il n'y a pas eu de plan. Non, non, je fais partie de ces écrivains. J'ai écrit beaucoup de romans. Même avant que mon premier roman soit publié, j'en avais écrit 4 ou 5. Et j'étais passé par ce processus de très nombreuses reprises. Donc ce format est dans ma tête tout le temps. Donc quand je me suis mis à écrire Qui a peur de la mort, je n'avais pas besoin de plan. Je n'ai pas eu besoin de faire une cartographie. Je savais exactement où j'allais. Intuitivement, je pouvais suivre l'histoire. Donc, ce n'était pas un problème. Tous ces éléments, l'élément mystique, culturel, les personnages, tout ça est venu naturellement. Ce n'est pas quelque chose où j'ai dû me mettre au travail et le planifier. Tout ça était très organique. C'est venu ensemble. Comment est-ce que vous avez utilisé, comment est-ce que vous avez travaillé justement tout l'imaginaire, toute la mythologie de ces deux ethnies, toutes ces mascarades que vous décrivez dans ce roman? Ça a beaucoup à voir. Mes deux parents sont nigérians. Très jeune, mes parents nous emmenaient avec ma fratrie au Nigeria et on était en lien avec notre culture dès très tôt. Et la plus grande partie de notre famille est au Nigeria. Chaque fois qu'on y allait, on avait ces expériences extraordinaires. Et l'une d'entre elles, par exemple, c'était les mascarades. Ce sont des manifestations des esprits et des ancêtres. Et On interagissait avec eux de différentes manières. Moi, j'ai grandi en connaissant les mascarades. Donc, quand je me suis mise à écrire cette histoire, j'ai pas dû faire de recherche. J'ai pas dû faire de recherche spécifique. Je connaissais déjà des choses que je savais déjà sur le plan culturel, dont je tirais des éléments. Par exemple? Mais par exemple, les mascarades. Moi, j'ai grandi en connaissant et en interagissant avec elles, en étant harcelé par elles. Parce que mes sœurs et moi, nous étions les petites filles nigériano-américaines et elles nous ciblaient. Ça arrivait toujours pendant les vacances, au moment où on rendait visite au Nigeria. On était pourchassés dans les rues par ces mascarades, habillés dans ces vêtements très élaborés et terrifiants. Et donc, on avait ces interactions. Moi, j'avais ce lien déjà. Donc, quand je me suis mis à écrire « Qui a peur de la mort », c'était naturel. Introduire ces mascarades et leur insuffler une vie qui était nouvelle, c'était quelque chose de très naturel. Vous dites que vous avez même été habité ou suivi par une araignée loup. Oh. How do you know about that? D'où vous sortez ça? The wolf spider incident, ouais. Yes. L'araignée loup. Cet incident-là, okay. Oui. Bon, allez, faut que je raconte l'histoire. C'était très étrange. Quand j'écrivais « Qui a peur de la mort », je vivais dans la maison de ma mère. Et dans la maison de ma mère, vous savez, chaque maison a ses propres nuisibles. Chaque maison. Et le nuisible qu'on avait là-bas, c'était ces énormes araignées loups. Elles sont inoffensives, mais elles font peur. Elles sont noires, elles bougent très très vite. Elles sont robustes. Donc, quand j'écrivais « Qui a peur de la mort », j'écrivais très très tard la nuit et puis j'allais dans ma chambre. Après, je descendais l'escalier. Et un jour, il y a eu, je parle d'une araignée plus grande qu'une balle de baseball, vous voyez ? Elle était devant mon lit. C'était vraiment la plus grosse araignée que j'ai vue dans cette maison. La première fois que je l'ai vue, j'étais terrifié. Je ne tue pas d'ordinaire les araignées, j'aime pas tuer. Mais celle-là était énorme. Donc j'ai pris un gros bouquin, je crois que c'était l'Infini Comédie, et je l'ai jeté sur l'araignée. Et puis après, j'ai appelé mon frère et c'est lui qui s'est occupé du reste. Et littéralement, disons deux jours plus tard, je rentre la nuit dans ma chambre, et voilà à nouveau l'araignée loup, même taille, au même endroit exactement. Cette fois-ci, j'ai pris la bombe insecticide et je l'ai pulvérisée. Et je l'ai regardé se tordre de façon monstrueuse et mourir. Et j'ai appelé mon frère pour s'en occuper pour la suite. Quelques jours après, elle était de retour. Exactement. Je ne sais pas si c'était la même araignée, ça ne peut pas l'être, mais bon. C'était une énorme araignée loup, exactement au même endroit. Je l'ai regardée. Je suis arrêté, je lui ai dit, araignée loup, je vais sortir de cette pièce et quand je reviendrai, tu seras parti. Donc, je suis sorti. Et quand je suis revenu, elle n'était plus là. Et à ce moment-là, j'ai ajouté un chapitre supplémentaire avec des grosses actions avec des araignées loups, parce que je savais que cette araignée loup voulait être dans mon histoire. Oui, oui. Je ne sais pas si c'était la même araignée loup, mais j'aime à y penser. On va reparler, Nnedi Okorafor, hein, de l'afrofuturisme, de l'utopie que construit l'afrofuturisme. Qui a peur de la mort est un roman très dur, est un roman sur fond de guerre civile, sur fond de lutte, de génocide. Vous nous épargnez rien, viol, excision, les enfants soldats, c'est un roman qui est très en prise avec une certaine actualité de pays africains aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il était important pour vous d'ancrer ce roman à ce point-là dans la violence politique et sociale et ethnique que subit l'Afrique ? Les étiquettes sont des étiquettes et de ma propre expérience avec ces étiquettes, elles tendent à être réductrices et elles nous limitent. Quand j'écris, je ne pense pas aux étiquettes du tout. Je laisse les autres définir l'objet que j'ai écrit. Mais quand j'ai écrit « Qui a peur de la mort », je ne pensais pas « Oh, il faut que j'y mette le génocide, il faut que j'y mette les enfants soldats, il faut que je mette toute cette violence, et les viols, et ces trucs politiques, ah oui, aussi les mutilations génitales féminines, tous ces problèmes politiques. C'est pas quelque chose que j'ai fait à propos, non, c'était pas le cas. C'est un roman très africain et je suis très consciente du fait que les romans sur l'Afrique portent sur des problèmes. Donc je suis très consciente de ça. Mais quand j'ai écrit cette histoire, c'est venu comme ça. Ces problèmes qui étaient là, qui tournoyaient dans mon esprit. Et quand je l'ai écrit, c'est comme ça que l'histoire est advenue. C'est pas comme si je m'étais mise à y réfléchir. Et comme j'ai dit, je suis conscient de ces problèmes, mais je ne laisse pas ces problèmes se mettre en travers de ma route et de l'histoire que je veux raconter. Ces choses-là sont naturellement partie prenante de l'histoire. Et je n'allais pas laisser la peur des étiquettes ou la peur des stéréotypes et des clichés au sujet des narratifs africains m'empêcher d'écrire l'histoire que je voulais écrire. C'était ce que c'était. Et je l'ai laissé là. Je n'ai pas détourné le regard. Il faut préciser que c'est un roman que vous avez écrit il y a longtemps maintenant. Yeah, I guess. I mean, 2010. Oui, 2010. That's a while ago. Ça fait pas mal de temps. It still feels very mais c'est très présent pour moi. Parce que qui a peur de la mort quand je l'ai écrit? D'abord, c'était en raison de la mort de mon père, mais aussi ce personnage, Onisso. Ce personnage est très présent. Et ça a à voir avec le fait que c'est en train d'être sérialisé par HBO. Et on travaille dessus en ce moment. Donc, je suis encore beaucoup dans ce livre. Et on le fait grandir. On travaille sur l'épisode pilote en ce moment. Et j'en ai lu des extraits il y a quelques jours. Donc, l'histoire est vraiment très, très présente pour moi. Vous accepteriez tout de même le fait, même si vous n'aimez pas les étiquettes, est-ce que vous acceptez malgré tout que ce soit objectivement un roman très politique ? Yes. Oui. Very much so. Très politique. C'est un roman politique. Je peux le dire maintenant, après coup. Mais quand je l'écrivais, je ne réfléchissais pas aux sujets que je devais introduire. Voici les sujets politiques que je devais soulever. Non, je l'ai laissé venir, mais quand je regarde après coup, mais oui, c'est un roman très politique, et à plusieurs niveaux, en termes de culture, de genre, beaucoup de choses, ça fonctionne à plusieurs niveaux. Ça parle du passé, du présent, de l'avenir en même temps, ça parle de sujets qui affectent le monde entier et de sujets qui affectent certaines parties du monde. Donc, ça fait beaucoup. Autre question, est-ce que toute bonne science-fiction est forcément une science-fiction politique ? Oui, bon. Il n'y a pas de généralité pour quoi que ce soit. Je pense que la plupart du temps, oui. Mais bon, il y a toujours des exceptions à la règle. Moi, je ne peux pas en trouver une tout de suite, là. La méthode scientifique... Nicolas Martin. Tell me it's the crazy, it's the back in my mind. Tell me says the children's a cloud in my head. When everything is wrong, I dance inside my mind. That's when I come alive. Like a schizo running wild. That's when I come alive. Now let's go wild. In a dungeon every Monday night. That's when we come alive. Like a schizo running wild. That's when I come alive. Now let's go I'm a mess. Take me 6 feet under, but while your roses died, I came alive. I'm getting ready. Welcome Alive de Janelle Monáe sur France Culture dans la méthode scientifique. On va vous expliquer dans un instant pourquoi ce choix musical, puisque nous recevons aujourd'hui Neddy Okorafor, auteur de Qui a peur de la mort, édité aux éditions ActuSF. Pourquoi Janelle Monáe, pourquoi ce choix musical, Neddy Okorafor? Pourquoi Janelle Monáe lorsqu'on parle d'afrofuturisme et de science-fiction? Non, c'est comme, vraiment, en termes de musique en ce moment, elle incarne cela. Elle incarne le côté féminin. Comment le dire? L'afrofuturisme féminin, féministe, en ce moment même, oui, elle est ça. C'est souvent, alors on va parler de cet afrofuturisme qui est plus connu aux États-Unis qu'en Europe. C'est vrai, je le disais tout à l'heure dans l'introduction de l'émission, en Europe, avec ce film de Marvel, Black Panther, on a découvert d'un seul coup tout un pan de la culture afro-américaine qu'on appelle afrofuturiste. On va en reparler dans un instant, c'est un mouvement musical, littéraire, on entendait Sonara tout à l'heure. J'aimerais vous demander, est-ce que vous, Neddy Okorafor, vous revendiquez comme une auteure afrofuturiste? Est-ce que je me décris comme un auteur afrofuturiste? Je crois que tout le monde le dit. Et donc, non, c'est pas donc je le fais, non. Et je suis étiqueté comme ça. Il y a beaucoup de définitions de l'afrofuturisme. Ce qu'est l'afrofuturisme, moi, je m'y oppose. Je m'oppose à certaines de ces définitions. Mais ça dépend dans quelle partie du monde on est. La définition change. Par exemple, aux États-Unis, beaucoup d'Afro-Américains disent que l'afrofuturisme est enraciné aux États-Unis, parce que le mot a surgi pour décrire l'itération afro-américaine d'un avenir noir. Donc il y a cette définition-là. Quand moi j'étais à une conférence sur l'afrofuturisme en Afrique du Sud, la définition est complètement différente. C'est quasiment synonyme de la science-fiction africaine. Il y a d'autres définitions aussi qui disent que l'afrofuturisme, c'est, comme vous l'avez dit, c'est une utopie quelque part. Ça décrit une utopie. Ma définition, c'est plutôt, elle est enracinée dans l'Afrique et se diffuse à travers le monde. C'est la diaspora noire et ceux sur le continent. C'est l'imagination d'un futur et de la technologie enveloppée dans un folklore noir africain. C'est difficile à décrire. Et donc, quand les gens m'étiquettent comme afrofuturiste, je vais l'accepter. Mais dans mon esprit, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Je ne suis pas certaine. Est-ce que je suis d'accord avec ce qu'ils veulent dire? Donc, oui, allez. Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse brève. Est-ce que je suis, est-ce que je ne suis pas? Bon, allez, d'accord. Ça me va. Si vous voulez une définition, la personne qui l'a donnée, c'est Marc Derry en 1994 dans Black to the Future. Et il le décrit de la façon suivante. Une fiction qui traite des thématiques afro-américaines et qui adresse des préoccupations afro-américaines dans le contexte de la technoculture du XXe siècle et plus généralement une sémantique afro-américaine qui s'empare d'une imagerie technologique du futur et d'un futur prophétiquement augmenté. Voilà la définition de Marc Derry. Faudrait que je relise cette définition. Mais de ce dont je me souviens, sa définition enracinait l'afrofuturisme aux États-Unis. Et donc, non, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je crois que ces définitions peuvent changer. Peut-être qu'à l'époque, oui, c'était ce que c'était. Mais maintenant, je ne pense pas que ça soit le cas. Je pense que ça a changé. Et c'est bien. Les langues sont vivantes. Elles évoluent, et ça a évolué. Si on applique, cette définition, par exemple, à Black Panther, est-ce qu'on peut décrire Black Panther avec cette définition? Je ne pense pas que ça aurait du sens. Ça devient problématique même. Je pense que, à ce moment-là, si on applique cette définition à Black Panther, on serait sur, quasiment sur l'appropriation culturelle. Et là, j'aurais beaucoup de problèmes pour avoir dit ça. Non, mais je l'ai dit, ça y est. Vous n'êtes pas la seule à avoir dit, moi, le penser, en tout cas. Okay. Un mot, peut-être, pour parler de choses qu'on pourrait retrouver ou de points communs à ces différentes définitions de l'afrofuturisme. Je l'évoquais tout à l'heure, on est tout de même, la plupart du temps, dans des utopies très positivistes. I think that the word utopia, le mot utopie, is where it becomes a little problematic. Devient problématique. On peut être positif parce que l'utopie est problématique. L'idée de l'utopie, à mon sens, quand je pense à des utopies, je pense aussi immédiatement à la dystopie. C'est les deux faces d'une même pièce. Mais si au lieu de utopie on dit quelque chose comme optimiste, parce qu'on peut avoir qui a peur de la mort, ça devient très très sombre, très sombre. Mais il y a toujours un espoir. Il y a beaucoup de, il y a une histoire d'amour, il y a de l'amour, il y a du bonheur et des rires. Donc si l'afrofuturisme fonctionne. En fait, avait un espoir enchâssé. Je crois que c'est mieux que d'introduire le concept problématique d'utopie. On trouve souvent lié à l'afrofuturisme des thématiques très égalitaristes, notamment sur la place des femmes. C'est le cas dans vos romans. On trouve aussi une volonté de faire basculer un préjugé, un préjugé blanc ou occidental, appelez-le comme vous voulez, de l'immutabilité des cultures noires, de dire qu'elles sont figées dans une sorte de passé qui ne bouge pas. Est-ce que ça, ce serait peut-être des points communs qu'on peut retrouver à ces mouvements afrofuturistes ? I think that it does, but je pense que c'est le cas, mais how is that different from a lot of en quoi est-ce différent du reste de la littérature africaine? Est-ce qu'on décrit toute la littérature africaine comme afrofuturiste? Alors, qu'est-ce qui fait que quelque chose soit spécifiquement afrofuturiste? Parce que cet espoir dans le traitement de ces problèmes, ces problèmes de patriarcat, s'occuper de ces questions de patriarcat et de race aussi, je crois que ça fait partie de la littérature africaine. Peut-être un mot, est-ce que vous avez lu par exemple Octavia Butler, est-ce que vous avez lu Samuel Delany, Mike Resnick, vous avez lu ces auteurs? Yes. Oui. Yes, I have. Bien sûr. Je vous pose cette question parce que c'est une littérature qui est peu connue en Europe. Are they published? They're published. Ils sont publiés ici, non? Ils sont publiés ici, oui. Ah, it's a matter of time. C'est une question de temps. Alors, une autre question, Nnedi Okorafor, quel est votre premier souvenir de science-fiction en tant que lectrice? That's a good question. Bonne question. C'est probablement au cinéma. Mon premier souvenir, bien que lectrice, c'était le cinéma. E.T. Peut-être que c'est E.T. Yeah, E.T. was a... E.T. Yeah, E.T. might have been my first, even though I'm sure. Même si je suis certaine qu'il y a d'autres choses parce que. Even though I didn't read a lot of. Même si je ne lisais pas beaucoup de science-fiction, je lisais beaucoup. Yeah, I was reading a lot of narratives about space. De récits sur l'espace. J'étais obsédée par l'espace. I mean, really, I guess you could say, and this is really remote. C'est vraiment très très loin. Ma première exposition à la science-fiction, c'était un livre que j'ai lu sur les planètes. C'était les planètes et c'était un des chapitres portait sur Jupiter. Et ce qu'ils disaient de Jupiter, et ça m'a mené à mon obsession pour Jupiter pendant très longtemps, on ne savait pas ce qu'il y avait à l'intérieur de cette énorme balle de gaz. Et c'était un livre de non-fiction, c'était comme un manuel quasiment. Et il y avait des images de ce qui pouvait peut-être être au sein de Jupiter, ces créatures extraterrestres qui voltaient dans cette bulle de gaz. Et ces images me donnaient des cauchemars terribles. Mais j'étais fasciné aussi. Et de cette façon-là, si vous voulez, cette représentation de ces créatures potentielles de Jupiter, ça c'était de la science-fiction. Et c'est un de mes souvenirs les plus anciens. Ça serait ça. Vous aviez été marqué aussi beaucoup par Ursula Le Guin? Oh yes. Ah oui. Yes. Oui, oui. Very much so. Beaucoup. De différentes manières, pas simplement par son œuvre. Même si j'ai découvert l'œuvre d'Ursula très tard, de mon point de vue, c'était quoi? C'était en 2000. J'ai découvert Ursula Le Guin et Octavia Butler, probablement la même année. Et une fois que j'ai découvert toutes les deux, c'était, je me suis dit, ah oui, c'est le type de science-fiction que je peux lire, auquel je peux me rattacher. Et vraiment, ça stimule mon esprit d'une façon qui n'a jamais été faite et j'aurais souhaité le découvrir plus tôt, parce que c'est vraiment ce que je cherchais. Un mot, puisqu'on arrive dans la dernière partie de cette émission, pour rappeler, comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, qu'effectivement l'afrofuturisme a gagné ses galons et sa notoriété outre-Atlantique, en Europe et certainement dans d'autres parties du monde, via un film et une tribune grandeur XXL. Il y a des millions d'années, une météorite de vibranium, la matière la plus puissante de l'univers, va s'écraser sur le continent africain, modifiant la végétation de toute la région. Et lorsque l'heure de l'homme fut venue, 5 tribus s'installèrent sur cette terre qu'elles baptisèrent le Wakanda. Ces tribus se livraient des guerres incessantes. Mais un jour, Bast, la déesse panthère, apparut en vision à un guerrier chaman. Il lui fit découvrir une fleur en forme de cœur. Une plante qui le dota de force, de réflexes et d'instincts surhumains. Le guerrier devint roi, le protecteur du Wakanda et le tout premier Black Panther. 4 tribus acceptèrent de vivre en paix ensemble, sauf la tribu des Jabari, qui s'est exilée dans les montagnes. Grâce au vibranium, le Wakanda devint le pays le plus développé de la planète. Mais alors que la prospérité régnait dans le royaume, le reste du monde s'enfonçait peu à peu dans le chaos. Pour protéger le secret du vibranium, les Wakandais se jurèrent de vivre cachés et de dissimuler au monde extérieur la vérité sur leur puissance technologique. Voilà, vous aurez reconnu peut-être, certainement, si vous êtes partie des nombreux, des millions de personnes à être allées voir Black Panther, l'introduction du film de Ryan Coogler. Ce n'est pas le premier super-héros noir sur grand écran. Ceux qui sont adeptes des films de super-héros se souviendront de Halle Berry, qui a joué le rôle de Tornade avant d'interpréter le plus oubliable Catwoman. On pourrait citer les personnages de Faucon ou de War Machine dans l'univers Marvel ou de Cyborg dans l'univers DC, mais c'est le premier super-héros à avoir son propre film, son univers et surtout cette ampleur commerciale, hein, un succès gigantesque, troisième plus gros succès au box-office au box-office en 2018 et troisième plus gros box-office de l'histoire du cinéma américain. Aujourd'hui, vous avez, c'est intéressant, Neddy Okorafor, vous-même écrit un épisode du comic Black Panther. Oh yeah. Oui. It's great. Super. But you know, I think that the film was incredible. Le film était incroyable. Je me souviens y être allé très sceptique. You know, I was like, okay, I'm not. Je dis bon, d'accord. Je vais pas simplement dire c'est super parce que voilà, je suis allé avec un œil critique et je cherchais des choses et ça faisait des choses qui n'avaient jamais été faites précédemment. It's black cast. Eh bien, c'est une distribution noire qui était très minutieuse, bien recherchée. Elle était diasporique. Il y avait des Africains, des Caribéens, des Afro-Américains. C'était pris en compte. A showing of culture. Il y avait une exposition de culture qui était vraiment très minutieuse pour ceux d'entre nous. Bon, il y a certains détails. Et si on les saisissait, par exemple, il y a un moment où Killmonger casse sa lance avant de commencer un combat. C'est comme une différence directe à Shaka Zulu qui se battait avec une lance très courte. Et je me suis dit, waouh, c'est dans un film Marvel. C'est les choses qui sont très très belles. Il y avait ce mélange parfait des super-héros Marvel de ce genre, avec des histoires, un narratif diasporique américain. C'était quasiment sans faute. Bon, c'était pas parfait, mais c'était quasiment sans faute. Et même, ça a scotché ma fille. Ma fille n'était pas dans les histoires de super-héros. Elle l'est maintenant, c'était comme une passerelle pour elle, une ouverture. Ça faisait tellement de choses. Et puis, il y avait les personnages féminins, les premiers rôles féminins, qui faisaient partie de l'histoire, de l'intrigue, qui racontaient leur propre histoire. Et le look, c'était fantastique. Mais alors, racontez-moi un peu, justement, puisque Marvel vous a proposé d'écrire le scénario d'un comic, Long Live the King, de Black Panther. Comment est-ce que vous, vous êtes réapproprié ce personnage et son histoire? Bon, la question, c'est qu'est-ce que j'ai apporté à l'histoire? Plusieurs choses. Une des choses, même avec le film, j'avais peu de critiques, mais il y en avait, de mon point de vue. Et je me suis dit que l'histoire se concentrait trop sur les gens au pouvoir de la famille royale, ceux qui étaient en position de pouvoir. Et on ne voyait pas les Wakandais de tous les jours. Les Wakandais doivent faire des choses qu'ils font tous les jours. Ils étaient plus là, à l'arrière-plan. On les voyait derrière. Et moi, je voulais les voir de près. Je voulais que T'Challa interagisse avec eux. Lorsqu'il n'était pas révéré par eux, quand il interagissait avec les gens. Et dans Long Live the King, j'ai pu le faire. J'ai créé quelques personnages wakandais qui ne faisaient pas partie de la famille royale. Et j'ai T'Challa qui était redescendu par terre et qui interagissait avec les Wakandais et certains Wakandais qui n'étaient pas très amoureux de la famille royale. Et donc oui, j'ai fait ça. Et T'Challa, il lit aussi un prix Nobel de littérature, il lit Wole Soyinkan. Oh yes, yes. Oui, oui. Yeah, I have T'Challa. Oui. One of the opening scenes. Une des scènes d'ouverture de Long Live the King. We have T'Challa. Il y a T'Challa qui se repose. C'était très important. Je voulais le montrer en train de se reposer. Et que fait-il quand il se relaxe? Eh ben, il lit. Et j'ai montré T'Challa en train de lire un livre par Wole Soyinka, un auteur nigérian extrêmement important. L'implication, c'est que il y avait autre chose aussi, une de mes critiques. Mais bon, on va laisser. Eh bien, les Wakandais et le Wakanda devrait revenir en Afrique. Il est enchassé au milieu de tous ces pays africains. Il devrait y avoir... Le Wakanda a passé son temps à se cacher et à cacher sa puissance, sa technologie, sa richesse du reste de l'Afrique. Alors que quand on regarde la culture du Wakanda, ils en ont pris beaucoup du reste de l'Afrique. Donc ils prennent beaucoup, mais ils n'en rendent rien. Et c'était une de mes critiques. Bon, oui, je voulais montrer T'Challa au repos, mais on le voit en train de lire un livre par quelqu'un, par un Africain, venant d'un pays africain. Yes, yes, that. An honorable prize, by the way. J'ai cru voir une femme Black Panther mélangée à Venom aussi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh yes. Ah oui. Yes. C'est du multiculturalisme de super-héros, du mélange de super-héros. I got to do some things. J'ai fait certaines choses pour Marvel. Okay, so I wrote. There was an anthology called. Il y a une anthologie. War stories, right? Dont le titre était Venom, histoire de guerre. Et Marvel m'a demandé d'écrire une histoire pour cette anthologie. L'anthologie comprenait plusieurs personnages de Marvel qui étaient venomisés. Venom, c'est une entité symbiotique extraterrestre qui s'attache à vous et vous avez des super pouvoirs, vous devenez monstrueux et vous êtes contrôlé, pour dire le moins. Ils m'ont demandé de venomiser Black Panther. Et moi, j'ai dit, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Et donc, à la place, j'ai venomisé une fille au Nigeria. Et c'est une nouvelle. Venomverse, so that means that they're all in different universes. Tout ça, c'est dans un univers différent. C'est dans Venomverse. Et donc, c'était la première histoire que j'ai écrite pour Marvel. And, Et je pouvais écrire ce que je voulais, puisque c'est dans un univers différent. Donc j'ai cette fille qui fait ses choses, elle est handicapée, elle est dans un fauteuil roulant, et elle fait ses petites affaires. Elle est simplement au mauvais endroit, au mauvais moment, quand T'Challa se bat contre Rhino pour un baril qui contient l'organisme symbiotique extraterrestre. Et Rhino tue T'Challa, et cet organisme extraterrestre s'attache à cette fille parce que le baril se brise lorsqu'il heurte son fauteuil roulant et elle devient venomisée. Elle aimait tellement T'Challa, elle dit « Ah non !» Elle se venge, elle tue Rhino, elle devient Black Panther. C'est une belle histoire. Neddy Okorafor, on arrive à la fin de cette émission. Peut-être un mot sur cette adaptation à la série en HBO. Si Marvel a fait Black Panther, est-ce que HBO, après Game of Thrones, va enfin faire une grande série africaine, afro-futuriste, que vous pilotez ? They don't have to. Ils ne sont pas obligés de le faire. If they were smart, s'ils étaient intelligents, ils le feraient. They look smart. Yes, they are smart. Oui, ils sont intelligents. But they had optioned, mais ils ont optionné. Ils avaient un œil sur qui a peur de la mort depuis longtemps, bien avant cette histoire de Black Panther. Ils avaient un œil sur qui a peur de la mort. Je crois que c'était un an après sa publication. Ils voulaient l'optionner, qui a peur de la mort, depuis très longtemps. Et finalement, ça s'est produit. C'était l'an dernier. Donc c'est très enthousiasmant. C'est pas simplement Black Panther. Il y a une vague qui déferle et qui se produit. C'est plus grand, plus important que l'afrofuturisme. C'est plus diversifié. C'est plus de la fiction spéculative. Et c'est de la science-fiction africaine, le futurisme africain. Tout cela, ça montait lentement au cours, disons, des 20 dernières années. Ça a commencé... C'est difficile de dire où ça a commencé, mais Octavia Butler, Samuel Delaney, Nell Hopkinson, Tananarive Due, tous ces auteurs écrivaient des choses. Et il y en avait de plus en plus. Et ça grandissait. Et l'élan était de plus en plus fort au cours des 10 dernières années, particulièrement. Black Panther, ce n'est pas une coïncidence. Ça ne vient pas de n'importe où. Mais bon, c'est une pointe, c'est une percée. Mais ce rôle, cette vague montait depuis longtemps. Moi, je ne suis pas surprise. Je ne suis pas surprise. Et c'est Stephen Barnes qui a dit qu'il l'a prédit, que ça allait se produire. C'était en cours et ça va être encore plus gros dans un avenir proche. Oui, on peut s'attendre à beaucoup de choses. La série HBO, elle a une date de sortie déjà ? Not yet. Pas pour l'instant. We're currently at work. On travaille dessus. We'll just leave it at that. We're currently at work. On va dire simplement ça. Et un mot également, parce que c'est le cœur de votre travail, de vos prochains projets littéraires. Vous travaillez sur de nouveaux romans, vous avez travaillé sur certaines nouvelles, vous avez gagné déjà le prix Hugo, le prix Nebula. On va mettre tout ça sur le fil Twitter, mais sur quoi travaillez-vous en ce moment ? I'm working on a lot of things right now. Je travaille sur beaucoup de choses en ce moment. Let's see, some stuff. Voyons. That I can't announce. Des trucs que je peux annoncer. There are things coming. Il y a des choses en cours. But in terms of things that I can announce, ce que je peux annoncer, mon prochain roman s'appelle Remote Control. Ça sera publié by DAW. Il n'y a pas de date de publication, mais on est encore en train de corriger. C'est de la science-fiction, ça va se produire au Ghana de l'avenir. Et je travaille aussi sur une nouvelle graphique, c'est de la science-fiction, ça s'appelle La Guardia, et ça porte sur des extraterrestres et des Africains à New York. Et quoi d'autre ? Ah oui, j'ai une série de 5 BD, la première a déjà été publiée, il y en aura d'autres, donc une série de 5 BD, oui, il y a beaucoup de choses, et j'ai aussi un livre non romanesque qui va sortir. Merci beaucoup, Neddy Okorafor, d'avoir été avec nous tout au long de cette heure. Je rappelle que Vous publiez aux éditions Actu SF Qui a peur de la mort. C'est traduit par Laurent Philibert Kaya. Merci également à Michel Zlotowski pour la traduction. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Sarah Igeman, Sévétienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette, Saint-Vulfranc, Céline Lozen, Diana Psangaré à la réalisation également, Elisabeth Miro. La suite de vos aventures sur France Culture, dans un instant, c'est le magazine de la rédaction Les Vieux Lions face à l'Ultra-Douette. C'est un magazine signé Antoine Marette. Tout à l'heure, comme tous les vendredis, le club du Grain à Moudre ainsi que la dispute en direct du bar Le Bel Air à la Maison de la Radio. Et pour ce qui nous concerne, eh bien, la semaine prochaine, lundi, nous parlerons du Tyrannosaure. Mardi, il sera question des univers multiples de Stephen Hawking. Mercredi, on parlera de chronothérapie. Jeudi, des liens entre la recherche fondamentale et l'armée. Et puis, ce sera ensuite un vendredi consacré à l'actualité des sciences et de la recherche. Demain, n'oubliez pas de retrouver à la même heure, à 16h, le camarade Étienne Klein pour la conversation scientifique. Nous, on se retrouve lundi 16h, jusqu'à preuve du contraire.